Est-ce que je t'ai déjà laissé livré à toi-même sans une épaule pour te soutenir? Dès que tu as besoin de moi, j'accours aux signes et aux appels que tu m'envoies. Tu peux me reprocher tant de choses, mais là ce n'est pas vrai. Que je ne suis pas au petit soin. À cœur ouvert, il faut que je sache et que tu me dises. Si t'as confiance en moi, prends ma main, prends ma main, tu sais. Pleurons pas ce lien qui est si parfait. Je te tends la main, prends ma main, s'il te plaît. Mirons nos parfums comme on l'a toujours fait. Et tu seul, et abandonné, sans personne pour te consoler. Ouvre les yeux et tu verras ce que je peux te rapporter. Je fais de mon mieux, toi tu me laisses là sans savoir. Si t'as confiance en moi, quand le fruit défendu est parti.